Nouvelle en français, volume 1, Voix de l'Amérique, chapitre 7, Nigeria. Une centaine de morts dans des attaques dans l'état de Kaduna, 16 mars 2014. Les autorités nigérianes disent que des hommes armés ont tué plus de 100 personnes dans des attaques contre 3 villages de l'état de Kaduna, dans une zone où les conflits fonciers. La religion et l'origine ethnique provoquent souvent de violents affrontements. La police a confirmé les raids d'environ 40 bergers peu armés de fusils et de machettes. De vendredi soir à samedi matin, sur les villages d'Angwansankwe, Angwangata et Shonshi, un législateur de l'état de Kaduna a dit que certaines de victimes ont été abattues et brûlées dans leur maison. Tandis que d'autres ont tué à coups de machette, des centaines de personnes ont été tuées l'année dernière dans des violences entre communautés religieuses dans le centre du Nigeria, région où les rivalités entre les éleviers peuls musulmans et les agriculteurs majoritairement chrétiens contribuent à alimenter les troubles. Cette violence n'est pas liée à l'insurrection lancée dans le nord-est du pays par Boko Haram, un groupe islamiste qui veut imposer la charia dans le nord du Nigeria, la carotte et le bâton pour infléchir Boko Haram, 18 mars 2014. L'idée est du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, Sambo Dasuki, sous son impulsion. Le gouvernement nigérian va adopter une approche douce pour lutter contre le terrorisme, en plus des efforts militaires. Mon approche est de comprendre le problème afin d'appliquer les solutions appropriées. Ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a pas un chemin unique qui mène au terrorisme. Les voies qui conduisent au terrorisme sont plutôt légion. Souvent compliquées, explique Monsieur Dasuki, il y a 10 mois. Le Nigeria a lancé sa plus grande offensive militaire contre les insurgés de Boko Haram, imposant l'état d'urgence dans 3 états du nord du pays. De nombreuses villes ont été rapidement mises au pas, mais la violence a continué dans les campagnes. Plus récemment, des villes du nord ont de nouveau été attaquées. Quelques 700 personnes ont été tuées cette année seulement, selon l'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch, HRW. L'initiative nécessitera un renforcement substantiel des capacités du personnel pénitentiaire dans des domaines tels que la psychologie, le sport et la thérapie artistique, l'instruction religieuse et la formation professionnelle, toutes choses qui devraient être bénéfiques selon les autorités. Un autre principe clé de l'approche en douceur pour lutter contre le terrorisme, assure Sambo Dasuki, est la réforme économique dans le nord du Nigeria, où la plupart des gens vivent dans une pauvreté extrême, qui alimente la révolte. L'Organisation des Nations Unies, ONU, indique que l'insurrection de Boko Haram prend des allures de plus en plus monstrueuses. Près d'un demi-million de personnes ont fui leur maison, et des dizaines de milliers d'autres ont été déplacés vers les pays voisins. De nombreux agriculteurs ont également abandonné leurs champs, ce qui menace la sécurité alimentaire. Début de la visite à Washington des leaders religieux centrafricains. Suite de la visite aux États-Unis des 3 leaders religieux centrafricains. Cette semaine, l'archevêque Nzapalinga, l'imam Layama et le révérend Bangou sont à Washington pour prêcher la paix et aider la Centrafrique. Nicolas Pineau les a suivis pour la Voix de l'Amérique, 17 mars 2014. Les 3 hommes ont été froidement accueillis ce lundi par la neige qui a recouvert la capitale fédérale américaine, munis de bonnets et de gants. Les religieux ne se découragent pas pour autant, comme l'explique le révérend Nicolas Guérékoyamé Gebangou. On peut supporter le froid pour prêcher la paix. Lorsqu'on doit défendre une cause noble comme celle que nous défendons, on ne doit pas se plaindre. Après leur rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon la semaine dernière au sujet de l'envoi de casques bleus en Centrafrique. Les trois leaders religieux attendent aussi une aide financière massive pour leur pays de la part des Américains. L'imam Omar Kobin Layam a expliqué être venu apporter la voix du peuple centrafricain et demander l'appui des États-Unis. Les leaders religieux centrafricains s'inquiètent de la prochaine saison des pluies. Mardi, les trois hommes ont répété devant des diplomates américains la nécessité d'agir vite en Centrafrique. 19 mars 2014, devant l'auditoire de la Brookings Institution, un think tank, les religieux ont fortement insisté sur l'urgence de la situation humanitaire dans leur pays. Nous sommes ici pour lancer les cris de cœur du peuple centrafricain qui connaît les heures les plus sombres de son histoire. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, a dit Dieudonné Nzapalinga. L'archevêque de Bangui s'est déclaré insatisfait de la réponse des forces sangaris et Miska. Il est temps d'organiser une opération onusienne de maintien de la paix. Autre crainte à venir pour les Centrafricains déplacés. La saison des pluies qui s'annonce. Nicolas Gbangou explique que les populations fragilisées n'auront rien pour se protéger, notamment dans les camps, ce qui va aggraver leur situation. Les trois religieux centrafricains ont ensuite été reçus au département d'État. Au cours de cet échange avec les diplomates américains, ils ont réclamé une aide financière substantielle et des actes concrets envers le pays dans les domaines de la justice, la lutte contre l'impunité et l'éducation. La question du calendrier électoral demeure bien aléatoire alors que les Centrafricains sont censés aller aux urnes d'ici février 2015. Pour David Brown, il ne faut rien exclure même si ni la présidente Samba Panza, ni les partenaires internationaux ne veulent lâcher cette date de février 2015, selon le diplomate. Ce calendrier est utile car les élections marqueront la fin de la transition et le début d'une nouvelle ère politique. Néanmoins, Mbonne souligne que si la situation sécuritaire reste difficile, il sera impossible de tenir les élections présidentielles et législatives. Il sera nécessaire d'établir une nouvelle date mais nous n'en sommes pas encore là après cet entretien. Dieudonné Nzapalinga, Nicolas Guérékoyamé Gbangou et Omar Kobin Layama ont été reçus au Conseil national de sécurité et au Congrès. Ils rencontreront mercredi des représentants de l'USAID et de la Banque mondiale. Avion disparu. L'Australie évoque une percée dans les recherches. Les autorités australiennes ont annoncé que des images prises par un satellite australien montrent des débris non identifiés flottant à quelques 2500 km au sud de Perth, dans l'océan Indien, 20 mars 2014. Percé jeudi dans les recherches pour retrouver la trace du volume MH370 de la compagnie aérienne de la Malaisie. L'avion disparu depuis le 9 mars. Les autorités australiennes ont annoncé que des images prises par un satellite australien montrent des débris non identifiés flottant à quelques 2500 km au sud-ouest de Perth, dans l'océan Indien. Ces débris pourraient être des restes de l'avion de ligne disparu avec 239 passagers à bord. Une heure environ après avoir décollé de Kuala Lumpur à destination de Beijing en Chine, l'Australie a déployé des avions de recherche et des navires dans la région pour tenter de retrouver les débris et de les identifier avec plus de certitude. Selon les médias, le Saint Petersburg, un cargo norvégien transportant des voitures, qui était en route pour Melbourne après avoir quitté Madagascar, a été le premier à atteindre la zone de recherche à la demande des autorités australiennes. Pour le premier ministre australien, qui s'exprimait devant le Parlement australien, Les dernières informations sont nouvelles et crédibles, toujours selon Tony Abbott. L'autorité de sécurité maritime australienne a reçu des informations reposant sur l'imagerie satellitaire concernant des objets qui pourraient être liés aux recherches pour retrouver l'avion disparu. Après analyse de ces images satellitaires, deux objets possibles liés aux recherches ont été identifiés, a-t-il poursuivi. Un avion Orion de la Royal Australian Air Force a été détourné dans le but de localiser les objets détectés, a poursuivi le Premier ministre. De son côté, John Young, le directeur général de l'autorité maritime de l'Australie, a affirmé que le plus grand des objets mesure environ 24 mètres de large. Les objets sont relativement indistincts. Je ne prétends pas m'y connaître en évaluation de l'imagerie, mais les experts indiquent qu'il s'agit d'observations crédibles pour moi. Il s'agit d'objets qui sont d'une taille raisonnable et probablement saturés d'eau, qui font surface et disparaissent à tour de rôle, a déclaré M. Young. Pour l'instant, l'imagerie satellitaire ne permet pas de déterminer si les débris portent des marques ou caractéristiques qui pourraient confirmer qu'il s'agit bien de l'appareil disparu. Les objets ont été repérés dans une partie de l'océan qui, selon les autorités, mesurerait plusieurs milliers de mètres de profondeur. Quatre avions dotés des radars maritimes nécessaires aux recherches ont été déployés par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Bien que la météo dans la région soit relativement bonne, la visibilité n'est pas idéale, ont fait valoir les autorités, ce qui pourrait entraver les recherches. Un avion Hercule C-130 a également été dépêché sur les lieux pour lâcher des bouées qui permettraient notamment de détecter les courants marins, afin de déterminer dans quelle direction les débris pourraient avoir été emportés. Les autorités ont également averti que jusqu'à confirmation de l'identité des débris, il n'est pas possible de dire s'il s'agit bel et bien de l'appareil disparu.